de garder des terres agricoles. C'est-à-dire qu'ils vont acheter des terres avec des souscriptions publiques, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, et pour installer des agriculteurs. Et quand l'agriculteur va partir à la retraite, il quitte sa terre, mais la terre reste agricole et on installe un autre agriculteur. Donc ça, la terre devient vraiment un bien commun. Donc allez sur le site Terre de Liens, vous aurez toutes les explications, parce qu'il y a la foncière Terre de Liens, et vous pouvez souscrire. On vous recommande même de souscrire. C'est une autre démarche vis-à-vis de l'agriculture, et c'est une façon de pérenniser les terres agricoles. C'est extrêmement important. Voilà.